Mon cher Christophe, ah. Que se racontent deux skieurs juifs sur une piste d'atterrissage? Non, de neige. Piste de neige. Bon. Ah, piste oui. De neige. Alors, oui, piste de neige, alors, bien donc sûr. Donc, c'est toujours le même principe, il faut le dire, je ne sais pas. Bah, je ne sais pas. Eh ben, Shalom. Non, moi je dis rien. Moi, je sais pas, il faut le piquer. Shalom. Non. SOS Shalom. Voilà. Ah. Alors, recommence. Alors que. Mais pas moi, pas moi. Tu m'énerves. Bah oui. Alors si je t'énerve, me regarde pas, imbécile. Oui, mais je suis. Mon cher Christophe, que dit de skieur juif sur une piste de ski? Je ne sais pas. Eh ben, ils se disent Shalom. Non, Shalom. Ah oui, mais c'est pas possible. Mais non, c'est pas possible. Fais-la, Valentin. Fais-la, Valentin. Tu arrives pas avec Christophe, fais-la, Valentin. En plus, il est à côté de toi. Allez, vas-y. Mon cher Valentin. Ah, tu vois, ça change. Hein. Ah. Oui, Maurice. Que dit deux skieurs juifs sur une alors, piste alors, excuse-moi, Maurice, de t'interrompre. Enfin, deux skieurs, c'est donc du pluriel. Oui. C'est donc pas que dit deux skieurs, c'est que disent. Que disent deux skieurs sur une piste de ski. Alors, reprends au début. Mon cher Valentin. Oui, mon cher Maurice. Que dit deux skieurs que disent. Ah, ça y est, il est parti. C'est normal, vous l'embrouillez tout le temps. Ben, on l'embrouille pas. On essaye de le faire progresser. Allez, Maurice, recommence. Mon cher Valentin. Oui, Maurice. Que disent deux skieurs juifs sur une piste d'hiver? Non, c'est bon, ça passe. Ça passe. Alors, qu'est-ce qu'ils se disent, tu sais pas? Je ne sais pas, mon cher Maurice. Alors, Shalom. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Il n'y arrivera pas. Oh là là. Il n'y arrivera pas mieux. Oh là là.